Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de la Umrah, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj au Yémen. Cours numéro 2, Al-Mawaqit wa Tawaf, les points de repère et le Tawaf. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Dans le cours précédent, on avait parlé des mérites de la Umrah et on avait mentionné des hadiths se rapportant au fort de la Umrah. On avait aussi parlé de adapte du comportement du voyageur, le comportement, ce qu'il doit avoir, ce qu'il doit faire avant de voyager et autres. Et on avait aussi parlé et donné quelques conseils avant de faire la Hajj et la Umrah. Et on avait mentionné le fait que vous conseillez aux frères et aux sœurs de ne pas perdre leur temps durant ce rite azim qui est le Hajj et la Umrah. On avait dit que c'était un rite que beaucoup de gens ne pouvaient pas faire et que c'était une occasion qui, si elle se présentait cette fois-ci, n'allait pas se représenter la prochaine fois. Et on avait donné comme conseil, parmi le fait de ne pas perdre son temps, le fait de ne pas trop se promener dans les magasins, dans les souks, dans les restaurants, etc. Et parmi les manières de gérer son temps et de bien profiter de son temps, c'est de multiplier les ibadas. Car si on prend l'exemple de deux personnes qui vont faire leur hajj. La première personne est une personne qui va se contenter des 5 salats au haram. C'est bien, ni'ma, 5 salats au haram. Tous on sait qu'une salat au haram équivaut à 100 000 salats fait dans un autre masjid. Cela veut dire on veut partir par chaque jour avec 500 000 hasanats, 5 fois 100 000, 500 000. Maintenant, une autre personne qui, elle, pareil, fait son hajj, fait sa umrah, mais cette personne, alhamdoulilah, Allah il l'a offert, elle va multiplier les ibadas. Elle ne va pas se contenter, yani, de 5 salats par jour, et dire alhamdoulilah, j'ai 100 000 hasanats. Non. Un musulman, il doit toujours faire plus. Et on doit avoir toujours plus de hasanats. On doit penser au Al-Qiyama, sa hasana vont nous être utiles. Donc, cette deuxième personne, elle va multiplier les ribadas. Par exemple, elle va partir Salat al-Fajr, elle va le faire au Masjid al-Haram. Après Salat al-Fajr, elle va faire quoi? Elle va rester assise, elle va faire des adhkars, elle va lire du Coran, elle va faire des ribes, elle va lire du Coran, etc. Elle va multiplier les adhkars. Et après ça, par exemple, Elle va faire salat ba'da tulu' ash-shams, après le lever du soleil. Après ça, elle va rester, elle va faire des tawaf. Elle va continuer dans sa ibada. Ça, c'est rien que dans la matinée. Déjà, cette personne, au niveau des ajr, elle aura plus que celui qui aura fait un salat al-fajr. Et tu dis ça pour dhuhr, pour l'asr, pour le maghreb, pour l'aïcha, etc. La cheikh, cette personne, elle va rentrer dans son pays, elle va rentrer chez elle, avec plus de ajr, et plus de hasana, inshallah subhanahu wa ta'ala, que la personne qui sera contentée des 5 prières quotidiennes au Masjid al-Haram et qui aura passé son temps dans les marchés. Mais là, il n'y a pas de muqarana, il n'y a pas photo entre les deux personnes. Une aura gagné son temps et l'autre aura, Allah musta'an, elle sera partie sur un khir kathir. On a sallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Et on avait aussi mentionné ce que la personne elle allait faire dès qu'elle allait au miqat. Allahu alam, on avait commencé à rentrer dans le miqat. Qu'est-ce qu'on allait faire dans le miqat? On s'est arrêté là. Et aujourd'hui, inshallah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on va faire, on va parler un peu du miqat. Est-ce que la personne doit faire au miqat? C'est pour ça que je conseille aux frères et aux sœurs de se doter d'un cahier et d'un stylo et de noter ce qu'on va dire et de faire une table des matières Dès qu'on veut parler du miqat, faire page 18, le miqat. Qu'est-ce qu'on fait au miqat? Comme ça, si elle est pendant le hajj, elle peut revenir à son cahier. Elle n'a pas besoin de tourner les pages. Elle sait, elle a numéroté ses pages. Telle page, ça parle du miqat. Telle page, ça parle du tawaf. Elle peut revenir facilement. Ça lui fera gagner beaucoup de temps. Alhamdulillah. Et on avait dit que si une personne a la peur de dépasser le miqat, elle a le droit de se mettre en ihram avant. Et si par exemple une personne, elle va survoler les miqats, lui autoriser de se mettre en état d'ihram dans son pays. Et une fois qu'elle va survoler le miqat, le pilote, il va faire l'i'lan, il va faire l'annonce, voilà, on est au-dessus de tel miqat. Et la personne, elle va mettre sa niyat miqat, elle va dire Labayk Allahumma umra. Ensuite, on va parler actuellement du miqat. Et c'est là où il faut prendre le stylo et le kaya et noter ce qu'on va dire, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Bon, dès qu'on arrive au miqat, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'au miqat, il y a des choses qui sont obligatoires et d'autres choses qui sont surrogatoires, d'autres interdites. Les actes obligatoires dans le miqat sont les suivantes. La première, se mettre en izar et porter le rida pour les hommes. Quant à la femme, elle ne porte pas de niqab, mais elle porte un voile qui lui couvre le visage, sans mettre sous le voile de niqab. Elle ne porte pas de gants aussi. Et parmi les actes qui sont préférables, mustahab, il y a le fait de se laver et se raser les aisselles et les parties intimes. Se parfumer la tête et le corps sans parfumer les vêtements d'ihram. Et ça, c'est avant l'ihram. Une fois que tu es mis en ta niyat d'ihram, ça, tu ne peux plus mettre de parfum. De faire la prononciation d'ihram, de prononcer la formule d'ihram dans le bus, se mettant en direction de la qibla, après avoir dit Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et il ne prononce pas son intention à voix haute. Le fait de dire par exemple Allahumma inni anwi umra, Allah, j'ai l'intention de faire un umra, non. Il dit labbayk Allahumma umra wa kada. Walakin, il ne fait pas une intention, car l'intention, elle provient du cœur. Elle ne se prononce pas par la langue. Ça, c'était pour ce qui est autorisé et ce qui est obligatoire. Maintenant, c'est quoi les interdictions que le muhrim doit éviter? Une fois que tu as un interdit d'ihram, c'est quoi les interdictions que tu dois éviter? Les interdictions sont les suivantes. Tu ne dois pas porter des vêtements qui contiennent des coutures, tels que le sarawil, ou la veste, ou un pull, ou le burnous, ou etc. Ou le khamis. Et le muhrim, il ne doit pas porter sous son nizar de sous-vêtements. Comme le muhrim, il ne doit pas porter de taqiyya ou de shashiyya ou autre, ou des gants. Mais la personne peut porter au-dessus de sa tête, sans que ça touche sa tête, des choses qui le mettent à l'ombre, telles qu'un parasol ou quelque chose qui va le protéger du soleil. Et le muhrim n'a pas le droit de se mettre du parfum après s'être mis en ihram ou avoir mis la niyat d'ihram. Le muhrim, il n'a pas le droit de chasser, comme il n'a pas le droit de se raser la tête, de se couper les ongles. Il est interdit à tout musulman, en général, pas seulement pour le muhrim, de couper les arbres de Mecca. Comme il est interdit au muhrim d'avoir des rapports avec sa femme ou même avoir des préliminaires. Il faut savoir que la ceinture ne rentre pas dans l'ihram, yani dans ce qui est interdit. La personne, elle peut porter la ceinture qui va lui permettre de porter par exemple ses papiers, ou de porter son argent sur elle. Et même si la ceinture elle a des coutures, elle ne rentre pas dans le vêtement. Et c'est autorisé de porter la ceinture. La femme, elle doit ni porter de gants, ni porter du niqab sous le voile. Elle doit porter quelque chose qui lui couvre les voiles, mais elle ne doit pas porter ni de gants, ni de sitar. Durant l'ihram, le muhrim n'a pas le droit de faire de demande de mariage ou de contrat de mariage, que ce soit pour lui ou pour un autre. Ce lui est strictement interdit. Et il est interdit au muhrim de porter des khuffayn, sauf s'il ne trouve pas de sandales. Dans ce cas-là, il devra couper les khuffayn sous les chevilles. Et cela est seulement pour les hommes, en dehors des femmes. Les femmes, elles ne sont pas concernées par ce hukm. Comme il interdit au muhrim le port d'or ou d'argent. Et ce qu'il faut éviter aussi pour le muhrim, c'est de ramasser les objets trouvés. Si tu vois quelque chose qui traîne par terre, laisse-le à sa place, occupe-toi-en pas. Si tu prends cet objet, c'est pour faire l'i'lan, ou l'annonce que tu as trouvé cet objet afin qu'on vienne le récupérer vers toi. Ou que tu le ramènes aux objets perdus. Et le conseil, c'est de le laisser à sa place. La personne qui l'a perdu, Inch'Allah, elle reviendra, elle le retrouvera. Toi, occupe-toi pas de ça, prends le pot, ça va te charger. Tu vas être occupé par ça. Et parmi les choses aussi, c'est qu'il ne faut pas trop multiplier les ihrams, les umrah plusieurs fois par jour ou par semaine. Non. Ça, c'est une erreur. Et les sahaba, radhiyallahu alayhim, si ça aurait été un khir, ils nous auraient devancé dans ce khir. Il n'est pas été rapporté que les sahaba faisaient trois umrah par jour ou plus. Non, ça, c'est pas été rapporté. Donc nous, on reste sur ce que les sahaba faisaient. Mais s'ils ne l'ont pas fait, nous, on n'a pas à le faire. Maintenant, on va parler des piliers de la Umrah. C'est quoi les piliers de la Umrah? Les piliers de la Umrah, ils sont au nombre de trois. La première, c'est que tu mettes la niya de la Umrah. La deuxième, c'est de faire le tawaf autour de la Kaaba. Tourner cette fois autour de la Kaaba. Et la troisième, c'est le sa'i entre Safa et Marwa. Les allers-retours entre Safa et Marwa. Ça, ce sont les conditions de la Umrah. Si une des conditions n'est pas mise, la Umrah, elle devient nulle. Parmi les choses aussi qui sont autorisées, tu peux faire le tawaf, yani au premier étage, ou au deuxième étage, ou au troisième étage du haram. Tu peux faire le tawaf sur une chaise roulante. Si t'as pas la capacité de marcher, si t'es malade ou quelque chose comme ça, le tawaf sur une chaise roulante est autorisé. Et si la prière, par exemple, c'est un moment où les gens vont faire la salat, et que toi t'es dans le tawaf ou le sa'i, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton tawaf et tu arrêtes ton sa'i et tu vas faire la salat en jama'a. Et dès que la salat elle est terminée, si tu te rappelles à l'endroit où tu t'es arrêté, tu reprends de cet endroit. Sinon, tu reprends depuis le début. Mais tu reprends d'où tu t'es arrêté. Ça veut dire que si tu en étais au troisième tour un petit peu, tu ne sais pas exactement où, tu reviens au troisième tour pile, en face de la pierre noire. Et de là, tu reprends 4, 5, 6, 7e tour. Et tu reviens et tu reprends depuis le début, premier tour, deuxième tour. Non, ça c'est khata. Tu reprends à partir, par exemple, du troisième tour, c'est-à-dire au troisième tour. Et parmi les choses qui annulent la Umrah ou même le Hajj, c'est toute relation ou tout rapport entre hommes et femmes. Comme le fait que la personne a l'apostasie et le fait de délaisser un pilier de l'islam que tu ne peux plus rattraper. Il faut savoir que, Yarni, tu peux te protéger aussi par le toit des bus. ou d'une voiture. Tu rentres dans un bus, une voiture, pour te mettre à l'ombre, il y a juste la kadhalik. Ça t'est autorisé. Si je dis ça, c'est parce que vous allez voir des bus où le toit il est coupé. Parce que les rafida, alayhim la'natallah, ils voient que tu n'as pas le droit d'être protégé du soleil par quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit d'avoir quoi que ce soit au-dessus de ta tête, mais ça c'est khata. C'est pour ça qu'il faut, y a un tanbih qui doit être fait, pas ressembler aux rafida, alayhim la'natallah. Et il faut aussi savoir que tu as le droit de porter, par exemple si tu te blesses, un bandage. Ou tu as le droit de porter des écouteurs. Tu as le droit de porter des lunettes de soleil ou de vue. Et tu as même le droit de te laver. Tu es en état d'ihram, tu as le droit de te laver avec du savon, bien sûr non parfumé. Même s'il y a quelques cheveux qui tombent, mais c'est pas grave. Ça, ce sont parmi les choses qui sont autorisés durant la Umrah. Et une remarque aussi importante, c'est l'enfant qui ne distingue pas, c'est ce qu'on appelle As-Sabi. C'est l'enfant qui distingue pas les choses. Si tu le prends avec toi, si tu as un fils, un enfant avec toi, tu as le droit de mettre la niya, ou il faut mettre la niya pour lui, et faire la prononciation d'Ihram pour lui. Et tout ce qui est interdit pour la grande personne en état d'ihram, c'est interdit aussi pour l'enfant. Que ce soit une fille ou un garçon. Il faut savoir aussi que la personne, dès qu'elle doit faire le tawaf, elle doit avoir l'ordre. Elle doit faire le tawaf dans des vêtements qui sont purs. Car le tawaf, ça ressemble à la salat. Comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Et tout ça, yani on a cité des choses qui sont autorisées, qui sont mustahab, qui sont interdites, et on les a citées yani dans l'ordre, sans qu'elles soient dans l'ordre. Maintenant, on va remettre toutes ces choses dans l'ordre, afin que la personne puisse faire la umrah et suivre toutes ces étapes l'une après l'autre. Premièrement, on est au miqat, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, dès qu'on arrive au miqat, on se lave. On se coupe les poils des aisselles et autour des parties intimes. On enlève les vêtements pour se mettre en ihram. Et cela englobe les sous-vêtements comme on l'avait déjà dit précédemment. Et ce n'est pas une condition, ni pour le muhrim, qu'il soit forcément en vêtements blancs. Non, il peut avoir d'autres couleurs. Mais il avale, le meilleur, c'est qu'il soit, que son ihram soit en blanc. Et la personne, comme on a dit, elle a le droit de porter une ceinture pour mettre son argent. Et ça, c'est spécifique à l'homme. Quant à la femme, elle, même si elle est en état de menstrue ou elle a ses règles, elle se lave aussi, comme pour l'homme. Mais elle ne porte pas. Elle porte n'importe quel vêtement. Elle n'a pas de vêtements spécifiques. Pour elle, elle n'a pas à porter de hizar ou quoi que ce soit. Elle porte ce vêtement qu'elle porte tous les jours. Sans qu'elle ne porte de gants ni de niqab sous son voile. L'homme, il n'a pas le droit de porter de imama ou de shashia ou de sarouil comme on l'avait précédemment. Il est préférable d'enlever ses vêtements au miqat. Mais celui qui est dans le besoin, il a le droit de se mettre en ihram dans son pays, comme on l'a dit, s'il doit survoler le miqat. Et on a dit aussi que le muhrim, il a le droit de se mettre du parfum avant de mettre la niya d'ihram sur son corps et sur sa tête. Et si il met du parfum sur son izar ou son rida, alors il devra laver ses vêtements afin de faire partir l'odeur. Et une fois que tu es en état d'ihram, avec la niya ihram, il te devient interdit de te couper la tête ou de te raser les ongles. Mais il est autorisé, yani, si ta tête elle te gratte, tu as le droit de te gratter la tête. Même s'il y a quelques cheveux qui tombent. Et aussi, ce qu'on voudrait dire, c'est que le muhrim, il a le droit de se raser la tête aux endroits où il le fait hijama. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a fait, il s'est coupé les cheveux à l'endroit où il voulait faire hijama et lui était en état d'ihram. Et si la personne, elle est au miqat, et que c'est l'heure d'une salat obligatoire ou surérogatoire, il prononcera la formule Labbayk Allahumma Umra et mettra sa niyyah d'ihram après avoir fait la salat. Et il ne faut pas croire qu'il y a une salat spécifique à l'ihram. Non, il n'y a pas de salat qui est spécifique à l'ihram. Et si par exemple c'est une période dans les mois du Hajj, ou par exemple c'est la période de Umra pendant le Ramadan, et tu dis la formule suivante, Labbayk Allahumma Umra. Et même si par exemple c'est pendant le Hajj et que tu vas faire le Hajj, la Umra, tu dis la même formule, Labbayk Allahumma Umra, et on va voir ça yani, dans les rites du Hajj. Il faut savoir que cette formule, qui est le fait de dire Labbayk Allahumma Umra, c'est préférable de la mettre dès que tu vas retourner dans le bus. Tu vas être face à la Qibla. Et après avoir dit Alhamdulillah wa Subhanallah wa Allahu Akbar, tu vas faire yani, la talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la shayka laka labbayk, al-mulk wa alhamdulak la sharika lak. Cette talbiya, elle est faite pour les hommes à haute voix. Et les femmes, elles ne font pas la talbiya à haute voix, elles se font entendre elles-mêmes. Et dès que tu fais la talbiya tout au long du voyage, jusqu'à ce que tu arrives à Mecca. Et dès que tu vas arriver à Mecca, à ce moment-là, tu vas arrêter de faire la talbiya. Parce que tu vas être occupé par d'autres choses. Et dès que tu arrives à l'hôtel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser tes affaires. Si tu peux te reposer, tu te reposes. Tu te laves. Tu manges. Et c'est préférable, comme on l'a dit, d'utiliser un savon non parfumé. Si tu arrives après la salat al-Isha, presse-toi pas, repose-toi. Va faire le tawaf la nuit. Va faire ta umrah la nuit, c'est préférable. Par exemple, 2h du matin, il y a moins de monde. Si tu arrives, par exemple, au dhuhr, tu te reposes un peu, tu te laves, et tu fais ta umrah en journée. Mais le meilleur, si tu arrives la nuit, c'est pas de te presser, tu te reposes, comme ça, tu prends des forces, et tu vas faire ta umrah. De nuit. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que si la personne, elle ne sait pas prononcer la talbiya, par exemple, en arabe, elle est incapable de la réciter en arabe, est-ce qu'il lui est autorisé de dire la talbiya dans une autre langue? Par exemple, si la personne, elle ne sait pas dire labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna alhamda wa ni'ma laka wal mulk la sharika lak, est-ce qu'elle peut le dire en français? Et Ibn Qudama, rahimahullahu ta'ala, il a dit, il ne fait pas la talbiya dans une autre langue que l'arabe, sauf s'il est incapable de la dire en arabe. Car c'est un rappel et un dhikr qu'il n'est pas autorisé de dire dans une autre langue que l'arabe. Celui qui est incapable de la dire en arabe, il est autorisé, les savants lui ont autorisé de la dire dans sa langue maternelle, dans le français ou une autre langue. on a dit après cela que la personne qui arrive à Mecca, qu'elle faisait, elle se reposait à l'hôtel, si elle pouvait manger, si elle pouvait prendre des forces, ensuite elle se dirige vers le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. Et dès que tu rentres dans la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, tu fais la dua de la personne qui rentre dans la mosquée. Dans n'importe quelle mosquée. Et la dua, c'est la suivante. A'udhu billahi al-azim wa wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Je la répète. A'udhu billahi al-azim wa wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Une fois que tu es rentré dans le Masjid al-Haram, tu vas te diriger vers la Kaaba. Et tu ne vas pas faire yani tahiyat al-Masjid. Là, il n'y a pas de tahiyat al-Masjid. Tu vas directement vers la Kaaba. Une fois entré, tu te diriges vers la Kaaba. Sans faire tahiyat al-Masjid, car c'est une bid'a. Il n'y a pas de tahiyat al-Masjid à ce moment-là. Mais tu peux dire la dua comme Omar radiallahu ta'anhu il a dit: Allahumma anta salam wa minka salam faji'inna rabbana bisalam. Et tu vas, tu fais le tawaf. Et comment tu le fais le tawaf? C'est là où il faut écrire maintenant le chapitre du tawaf. Là on a vu ce que tu as fait jusqu'au moment du miqat, jusqu'à quand tu arrives au Masjid al-Haram, tu rentres au Masjid al-Haram. Maintenant on va parler du tawaf. Comment on fait le tawaf? Pour commencer, il faut savoir que tu vas te mettre au niveau de la pierre noire. Si tu ne vois pas la pierre noire, tu prends comme repère la lampe verte qu'ils ont mis en haut à droite. Elle indique le makan ou l'endroit de la pierre noire. C'est à partir de là où tu vas commencer. Et il est conseillé à l'homme de découvrir son épaule droite et de mettre son rida du côté gauche sous son aisselle droite et le côté droit du rida sur il est conseillé à l'homme de mettre ou de découvrir son épaule droite et de mettre son rida du côté gauche qui est du côté gauche sous son aisselle droite et le côté droit du rida tu le fais passer au-dessus, tu le fais passer sous ton aisselle droit et tu le mets sur le côté gauche. Et si tu peux embrasser la pierre noire, c'est bien. S'il n'y a pas de bousculade, et dès que tu es au niveau de la pierre noire, tu dis Allahu Akbar, tu fais un signe de la main. Si tu peux la toucher avec la main et l'embrasser, Alhamdulillah, ni'ma. Mais si il y a du monde, et il y a de la bousculade, etc. Et on n'y rentre pas avec les gens dans la bousculade. Fais un signe de la main, Inch'Allah, t'es récompensé pour avoir évité la bousculade. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a dit à Omar, إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُؤْذِي ضَعِيفٌ وَإِذَا أَرَدْتَ إِسْتِلَامَ الْحَجَرِ فَإِنْ خَلَّ لَكَ فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فاستقبله وكبر. Il a dit quoi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Omar? Il a fait, Omar, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est fort. Et n'éprouve pas les faibles. Et si tu veux, salam la pierre noire. S'il n'y a pas beaucoup de monde, fais-la. Ou autrement, استقبله وكبر. Fais un signe de loin et dis Allahu Akbar. Mais rentre pas et dérange pas les gens. Barakallahu fik. Il faut savoir que c'est vrai que toucher la pierre noire, ça a des mérites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Allah fera venir la pierre noire, yawm al-qiyama, ayant deux yeux avec lesquels elle verra, elle regardera, et une langue avec laquelle elle parlera. elle témoignera pour celui qui l'a touché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pierre noire fait partie du paradis. Elle était blanche, elle était plus blanche que la neige jusqu'à ce que elle soit souillée par les péchés des associateurs. Mais si tu arrives au pied au niveau de la pierre noire et que tu t'es battu avec un tel, tu as bousculé un tel ou un tel, un tel, c'est bien, tu seras arrivé jusqu'à la pierre noire. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu auras la récompense d'avoir touché la pierre noire ou est-ce que tu auras le ithm, le péché? La récompense ou le péché? Parce que tu as dérangé les gens, tu as bousculé, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as voulu arriver à une ribada, c'est bien. Mais tu es arrivé d'un moyen dernier qui a sûrement été la cause que ça, le fait que tu es touché, soit un péché pour toi. Et comme Allah, comme Rasulullah il a dit, si tu laisses quelque chose pour Allah, Allah Azza wa Jal te donnera mieux. Et je conseille aux femmes de prendre exemple sur Aïcha radiallahu ta'anha. Si tu vois que ça se bouscule et qu'il y a du monde, tout ça, éloigne-toi. Fais un peu, fais ta waf, écarte des hommes. Ne rentre pas comme les autres femmes qui sont au milieu des hommes, tout ça. Écarte-toi, c'est un conseil. Et c'est mieux pour toi. Et comme on a dit plus haut, celui qui déteste quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera quelque chose de meilleur. Ensuite, une fois arrivé au niveau de la pierre noire, fais ce que j'ai dit, mais juste avant, tu commences le tawaf et n'oublie pas de compter tes tours. Parce que des fois, il y en a qui font le tawaf, ils oublient de compter. Mais ils arrivent, ils disent, combien de tours j'ai fait? J'en ai fait 5, j'en ai fait 4, j'en suis à 6, ils sont perdus. Alors, à kulli hal, toi, si tu as un doute sur le nombre de tours que tu as fait, tu te bases sur le plus petit nombre. Si par exemple, tu ne sais pas si tu as fait 5 ou 6 tours, toi tu comptes comme jamais tu en as fait 5. Et il faut savoir aussi que la pierre noire, elle n'a pas de pouvoir. La pierre noire, c'est une pierre, c'est tout. Il ne faut pas lui donner quelque chose qu'elle n'a pas. Certes, elle a des mérites, mais elle ne peut ni te faire du bien, ni te faire du mal. C'est pour ça que Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, lorsqu'il embrasse la pierre noire, il dit, Wallah, il y a la pierre noire, je sais que tu n'es qu'une pierre. Ni tu fais du mal, ni tu peux me faire du bien. Et si j'aurais pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ça, c'est dès qu'on arrive au niveau de la pierre noire. Maintenant, on va commencer le tawaf. Dès que tu commences le tawaf, tu fais les 3 premiers tours au pas de course. Et ça, c'est rien que pour les hommes. Les femmes, elles marchent normalement. L'homme, il va faire les 3 premiers tours du tawaf au pas de course. Et ça, yani, c'est le fait que tu cours dans le tawaf, c'est pas dans tous les tawaf. Non, c'est rien que le premier tawaf qu'ils appellent tawaf al-qudum. C'est le tawaf au moment où tu arrives. Et tu vas voir que dès que tu vas faire le tawaf, il va y avoir un petit muret devant la Kaaba. Toi, il ne faut pas que tu passes entre ce muret et la Kaaba. Parce que ce muret, il est considéré comme la Kaaba. Si tu passes entre ce muret et la Kaaba, ton tawaf devient nul. Parce que tu n'as pas fait tawaf autour de la Kaaba. Tu as fait tawaf dans la Kaaba, en passant au milieu de la Kaaba. Le fait qu'ils ont mis ça, c'est que dès que les Quraysh, ils ont voulu construire la Kaaba, ils manquaient d'argent, ils manquaient de moyens. Alors ils ont fait ce petit muret. Mais ce muret, il est compté comme faisant partie de la Kaaba. Toi, tu passes derrière. À la kulli hal, il y a des gardes qui sont là-bas, qui, si tu passes là-bas, ils vont t'empêcher de passer. Mais c'est une mimba d'intanbih, faire attention. Faut pas croire que dès que tu vas passer au milieu, tu vas gagner du temps ou quoi que ce soit. Non, tu passes derrière le muret, qui est à côté de la Kaaba. Ensuite, dès que tu vas faire ton tawaf, tu vas passer la pierre noire, le premier coin, le deuxième coin, le troisième coin. Ce troisième coin là, c'est ce qu'on appelle le coin yamid, Rukn al-Yamani. Ce troisième coin, si tu peux le toucher, passer à côté, le toucher, c'est bien. Et si tu peux pas, yani tu passes autour sans prêter attention à lui. Il fait partie de la sunna, c'est dans la sunna de dire, lorsque tu es entre le coin yéménite et la pierre noire, de dire Rabbana atina fi dunya hasana, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Je répète cette dua dès que tu es entre le coin yéménite et la pierre noire, de dire Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Le coin yéménite, comme on l'a dit, c'est le quatrième point. C'est-à-dire qu'il y a la pierre noire, ensuite il y a un premier coin, ensuite le deuxième, et dès que tu arrives au quatrième coin, c'est celui-là, le coin yéménite. Il est juste avant la pierre noire. Et c'est à ce moment-là où tu dis cette dua, « Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. » Et dès que tu vas revenir à la pierre noire, à ce moment-là, ça va être compté comme premier tour. Le premier tour, il va être fait. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer le deuxième tour. Et tu fais ça pour les sept tours. Et fais attention de ne pas faire comme les gens. Tu vas voir des gens qui vont passer à côté du Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est un petit carré qui est à côté de la Kaaba. Tu vas voir les gens, ils vont se bousculer pour l'essuyer, pour prendre la baraka. Tout ça, ça n'existe pas dans la sunna. Toi, tu ne suis pas les gens. Tu fais quelque chose, il y a à la barsira. Il n'y a pas de dalil qui viennent qui disent ouais, c'est bien de s'essuyer au Maqam Ibrahim ou de prendre la baraka de Maqam Ibrahim. Yani, toi, reste sur la sunna. Et si tu fais ce qu'il y a déjà dans la sunna, t'es à la khair. Et comme j'ai dit, yani, on n'est pas des Qur'aniyoun qui délaissent la sunna. Non. Nous, alhamdoulilah, la sunna elle est venue, Rasoul Salam est venu avec. Nous, on prend la sunna et on fait avec la sunna. Jazakum Allahu khaira. Et aussi, dès que tu vas faire le tawaf, c'est une remarque importante qu'il faut faire, et qu'on a constaté que malheureusement beaucoup de personnes négligent, dès que tu vas faire le tawaf, fais beaucoup de dua, fais beaucoup d'adkar. Tu fais des dua pour toi-même, que ce soit pour la dunya ou l'akhira. Tu fais des dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le fardos, qu'il te pardonne. Tu fais des dua pour l'akhira. Et pour la dunya, il n'y a pas d'interdiction en de faire des dua pour qu'Allah il donne des choses dans la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Fais des dua pour toi. Fais aussi beaucoup de dua pour tes parents. Qu'Allah il leur fasse miséricorde. Qu'Allah il les arham. Et c'est tes parents, ils ont droit sur toi. Pas oublier les pas dans le tawaf. Fais aussi beaucoup de dua. Et ça, c'était pour si tes parents ils soient vivants ou morts. Mais si tes parents ils sont morts sur le kufr, tu n'as pas le droit de demander à Allah de leur pardonner. Là, ils sont morts sur le coffre. Là, il y a chose. Mais s'ils sont vivants, tu fais, et c'est des mécréants, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'il les guide, qu'il leur voie leur cœur à l'islam. Et ça, si Allah subhanahu wa ta'ala, par ta dua, Allah il les guide, jamais ils pourront te remercier correctement. Parce que tu as fait la meilleure des choses pour eux. Si Allah il les a guidés à l'islam, ça veut dire qu'Allah il les a sauvés de l'enfer. Et il n'y a pas mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a épargnés de l'enfer. Fais beaucoup de dua pour eux. C'est des parents, ils ont un droit. Et bien sûr, tu ne veux pas qu'ils meurent sur le kufr. Donc fais des dua. Je t'ahide dans les dua qu'Allah il les guide. Mais s'ils sont morts, tu n'as plus le droit. Tu n'as pas le droit de leur demander pardon ou quoi que ce soit. Ils sont morts sur le kufr. Et fais aussi beaucoup de dua pour les musulmans. Dans le monde entier. Qu'Allah il leur fasse revenir au tawhid, à la aqidah sahiha. Qu'Allah il enlève d'eux les preuves dans lesquelles ils sont. Fais des du'as pour les musulmans, pour Ahl Sunnah en Iran, qui sont en train de subir des persécutions par les rafidah. Fais des du'as pour tes frères en Syrie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il enlève ce kafir qui est en train de les faire souffrir. Fais aussi beaucoup de dua contre les kofars en général, que ce soit les kofars, les juifs, les chrétiens, ou les américains ou autres, tout genre de kofars. Parce que ceux qui ont été le sabab du char qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ceux qui sont derrière tout ça, fais de dua contre eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les détruise. Fais de dua contre les kofars. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les touche par la pauvreté, par la maladie, etc. Faites des du'a contre les rafidah, car c'est des hypocrites, ils font beaucoup de mal à l'islam. Faites des du'a contre l'Iran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie une musiba. Et tu vas voir qu'Yarni, en faisant ton tawaf, t'as pas le temps de parler avec ton ami. S'il veut te parler avec toi, tu fais Yarni, il y a le temps, on termine le tawaf, Inch'Allah, et on parlera. Et on dit aussi, Yarni, il est possible que tu te trouves dans le tawaf, en train de faire le tawaf. Et que c'est l'heure de la salette. Les gens ils vont commencer la salette et tu n'as pas le temps de terminer le tawaf. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas terminer le tawaf? Est-ce que tu continues le tawaf pendant que les gens sont en salette? Al-Jawab, la réponse, non. Si par exemple, tu es dans le tawaf et tu es au troisième tour et que c'est l'heure de la salette, tu délaisses le tawaf et tu vas faire ta salette. Et une fois que tu as terminé ta salette, tu reprends à partir du troisième tour. Si par exemple tu es au troisième tour et un peu plus, par exemple tu arrives au deuxième angle après le coin yéménite, au deuxième angle après la pierre noire, si tu peux reprendre d'ici, tu reprends. Si tu ne te rappelles plus à quel endroit exactement tu t'es arrêté, tu reviens depuis le début du troisième tour et tu continues, tu fais ton troisième tour. Et si maintenant tu es dans le tawaf, je suis en train de faire le tawaf, Qadar Allah, je perds mes ablutions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le tawaf sans ablution? Ou est-ce que je sors faire le tawaf? Ou est-ce que je sors faire les ablutions? Si une personne elle est dans le tawaf et qu'elle perd ses ablutions, elle ne peut plus continuer le tawaf. Elle sort du tawaf, elle revient faire l'ordre et ensuite elle revient dans le tawaf. Elle refait son tawaf depuis le début. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Inch'Allah, ça c'est, on va terminer aujourd'hui ce cours sur le tawaf et on continuera Inch'Allah ta'ala demain le reste du tawaf et le reste du rite de l'Umrah. Inch'Allah, il ne reste plus beaucoup. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'en réalité, même si ça paraît long, c'est quelque chose que si on médite bien, c'est quelque chose de facile. Et sauf qu'il faut prendre des notes. Toi, comme j'ai dit au début, tu te prends un cahier, tu te marques, Yarni, page temps, ça parle du tawaf, page temps, ça parle du sa'i, page temps, ça parle du miqat. Comme ça, dès que tu arrives au manasik al-hajj, tu auras une table des matières et ce sera facile pour toi de revenir à tout ça. Parce que dans manasik al-hajj, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas redire, qu'on a déjà dit dans le tawaf, ou par exemple dans le sa'i. Les choses, elles se ressemblent, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas revenir dessus. On fera une ishara, mais le meilleur, c'est que tu prends un cahier avec toi et tu prends des notes. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiraka wa atubu ilayk.